Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et fermer le banc. Ces cinq sens qui sont les nôtres, nous avons vite tendance à les universaliser comme s'il s'agissait de l'alpha et l'oméga de la perception. Or, ce n'est évidemment pas le cas. La proprioception, le fait d'avoir conscience de son corps, la nociception, la perception de la douleur sont deux autres sens, sans parler du reste du règne animal, magnétoperception pour ces oiseaux qui se repèrent au champ magnétique de la Terre, électroperception chez de grands poissons cartilagineux, mais aussi thermoperception vue dans d'autres fréquences de ce que nous appelons le visible, odorat surdéveloppé, comment les animaux perçoivent-ils le monde ? Perception animale, l'essence des bêtes, c'est le programme éthologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet immense éventail des perceptions animales, à commencer par les nôtres, puisque, faut-il le rappeler, nous sommes des animaux comme les autres. Bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir comme les autres, peut-être pas d'ailleurs, Benoît Grison, bonjour. Bonjour Nicolas. Soyez les bienvenus, docteur en sciences cognitives, biologie, sociologue des sciences, enseignant-chercheur à l'UFR, sciences et techniques de l'Université d'Orléans et auteur de Les portes de la perception animale, c'est chez Delachaux et Niesley. Et nous sommes en ligne avec Gilles Boeuf. Bonjour Gilles. Bonjour, enchanté. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes biologiste, ex-président du Muséum d'Histoire Naturelle, mais on commence par celle qui perçoit chaque instant en direct les circonvolutions de l'actualité scientifique. C'est son super science, c'est Natacha Triou pour le journal des sciences ou des sciences. Des sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal avec un article publié dans le journal Le Monde qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté médicale. Les journalistes ont tenté d'estimer le coût humain d'un troisième confinement tardif, bien qui a été décidé seulement au mois d'avril par le gouvernement. Oui, les choix qui ont été faits pour gérer cette épidémie ont des conséquences en termes de mortalité, de séjour en réanimation ou sur le nombre de cas de Covid long. Alors dans cet article, les journalistes du Monde se sont demandé ce qu'il se serait passé si le troisième confinement s'était passé en février, comme le recommandait le conseil scientifique dès le mois de janvier. Combien de vies humaines auraient pu être sauvées ? Alors les journalistes ont fait une estimation en se basant sur les chiffres de Santé publique France. Ils ont pris les courbes d'évolution des trois indicateurs épidémiologiques de février et d'avril, et ils ont fait la différence entre les deux courbes. Alors selon leurs calculs, en confinant deux mois plus tard, le gouvernement aurait alourdi le bilan de l'épidémie, avec plus de 14 000 décès supplémentaires, près de 112 000 hospitalisations et 160 000 cas de Covid-19, de Covid long en plus. Dominique Costagliola est directrice de recherche INSERM, épidémiologiste et biostatisticienne. Alors personnellement, je pense qu'effectivement, c'est probable qu'il y ait un impact négatif, mais encore faut-il vraiment solidifier les estimations que l'on en fait pour pouvoir être réellement convaincant. Précisément, les chiffres qui sont indiqués dans l'article, ça me paraît vraiment plus questionnable. Ils ont essayé de faire une estimation. Alors, c'est ce qu'on voit dans la figure qu'ils ont donnée. En reportant l'effet qu'on a observé après 3 semaines, 1 mois de confinement, donc qui a eu lieu en avril, si ce même confinement avait eu lieu en février. Dans le graphique tel qu'il est, on a l'impression que donc ils ont supposé que ce serait exactement la même chose. Alors ça, il y a certainement des hypothèses assez fortes là-dedans, puisque disons un certain nombre de choses qui jouent sur la diffusion de l'épidémie, comme le taux de couverture vaccinale des personnes les plus fragiles, ou bien la température bien n'était pas forcément exactement les mêmes aux deux périodes. Donc d'extrapoler ce qui s'est passé après le confinement d'avril à ce qui se serait passé si le confinement avait lieu en février, disons, c'est une hypothèse assez importante. Alors, c'est pas pour discréditer complètement le travail, je pense que c'est un travail qui est intéressant, mais il faut vraiment prendre en compte la structure d'âge, la structure de la vaccination, ce qu'on sait déjà de l'impact, disons, de la saison, etc., etc., et voir sous les différents scénarios, est-ce qu'on arrive à des estimations du même ordre de grandeur, quoi. Une des choses qu'on n'a pas trop, effectivement, dans ce qui a été publié, c'est cet aspect-là. Est-ce que si on avait confiné plus précocement, ça aurait permis de retarder la diffusion du variant anglais et donc limiter la probabilité de reprise ensuite, puisqu'on aurait été plus vacciné par rapport à la diffusion de ce variant. Évidemment, c'est un article polémique. Évidemment, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'hypothèses à bien clarifier, à bien spécifier, comment on a pris en compte justement les variants, la couverture vaccinale, la distribution d'âge, etc. Et bien sûr que dans la forme, c'est pas un article dans Le Monde qui permet de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question. Voilà, si vous voulez, bien, on vous a mis le lien pour consulter cet article et vous faire votre propre opinion. C'est sur notre site Twitter, sur le fil Twitter de l'émission, pardon, @laméthodefc. Et on passe au bref. Le télescope spatial Hubble est en panne. Oui, depuis le dimanche 13 juin, le télescope spatial est hors ligne. Vieux de 31 ans, Hubble et ses instruments scientifiques vont bien, mais l'ordinateur qui contrôle ces instruments est à l'arrêt. Un module de mémoire serait endommagé. La NASA tente désespérément de le restaurer pour le remettre en marche. En vain, le redémarrage a échoué. Les ingénieurs ont aussi tenté de passer aux deux modules de mémoire de sauvegarde. Aucune tentative n'a abouti, mais tout n'est pas encore perdu. L'ordinateur possède 4 modules sur lesquels s'appuyer et un deuxième ordinateur de secours est aussi à bord. Selon une étude parue dans la revue Environmental International, nous n'avons pas assez de preuves pour affirmer que le travail peut provoquer une dépression. Et récemment, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, ont montré dans une étude que le surmenage est dangereux pour la santé. Travailler plus de 55 heures par semaine augmente les risques d'accidents cardiovasculaires. Dans cette nouvelle méta-analyse, l'OMS et l'OIT affirment que nous manquons de preuves pour affirmer que le surmenage est un déclencheur de dépression. Les chercheurs ont analysé 22 études sur plus de 100 000 participants et selon eux, il existe un trop grand nombre de biais dans ces études. Elles ne prouvent pas qu'il existe un lien de causalité entre dépression et longueur de travail. Et enfin, une étude parue dans Scientific Reports décrit Robot Vulture, le premier oiseau bionique. Il s'agit de Mia, une femelle vautour en Autriche qui a perdu une patte. Amputée, Mia n'aurait pas pu chasser ni atterrir. Sans patte, elle n'aurait pas pu survivre. Alors, le rapace a été pris en main par le département de chirurgie plastique reconstructive et esthétique de l'Université de médecine à Vienne. Mia a reçu la première patte bionique intégrée, une prothèse directement fixée à un os. Cela permet une meilleure stabilité et grâce à l'océoperception, c'est-à-dire une certaine sensibilité tactile grâce aux implants intégrés dans l'os, le rapace a rapidement retrouvé son autonomie. Eh bien, c'est la transition vers notre émission du jour est toute trouvée. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve, vous, demain pour le prochain Journal des Sciences. Vous qui partagez, comme de nombreuses Françaises et de nombreux Français, d'ailleurs, où vous nous écoutiez sur cette planète, votre vie avec un ou plusieurs animaux, vous vous êtes forcément demandé un jour, mais que voit-il? Que sent-il? Quel goût ça a, par exemple, les croquettes? Pourquoi est-ce qu'ils aiment spontanément ça? Bref, que perçoivent et comment perçoivent les animaux? Une question à laquelle il est plus difficile de répondre qu'il n'y paraît. Et pour cause, il y a sur la route cette vilaine tentation en éthologie de l'anthropomorphisme qui ramène tout à nos cinq sens, à nous humains. Mais n'avons-nous vraiment que cinq sens? Et puis, c'est quoi percevoir d'ailleurs? Est-ce que la perception est la propédeutique à la conscience? Vaste question qui emprunte autant à la méthode scientifique qu'au chemin de la philosophie. En tout cas, autant de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre aujourd'hui, en commençant par notre archive du jour, aux portes du monde. C'est le titre de cette émission d'avril 1964, avec Yves Legrand, directeur du centre du laboratoire de physique au Muséum d'histoire naturelle. Il est assez remarquable qu'au fond, il n'y a pas tellement d'animaux qui voient les couleurs. Les chiens et les chats, par exemple, ne voient pas les couleurs. Et même, il semble bien que les taureaux ne voient pas les couleurs et qu'on pourrait aussi bien agiter une mouletta blanche dans les corridas, ça le mettrait autant en colère que les mouletta rouges. En réalité, La couleur n'est perçue que par les espèces pour lesquelles c'est une nécessité biologique. C'est-à-dire chez les mammifères, par les animaux qui vivent de fruits, par exemple l'écureuil, et par les singes qui se nourrissent dans les arbres de fruits. Et par contre-coup, par nous, grâce à notre, sans doute notre parenté avec les de lointains ancêtres qui mangeaient des fruits dans les arbres. Au contraire, les insectes, presque tous, voient les couleurs, mais ils les voient différemment de nous. Et de ce fait, la couleur des fleurs joue un rôle essentiel dans la pollinisation, c'est-à-dire dans le transport par des insectes qui viennent butiner à l'intérieur de ces fleurs, le transport du pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle. Dans nos régions, les fleurs sont en général fécondées par les insectes. Au contraire, dans les pays tropicaux, elles sont fréquemment fécondées par de petits oiseaux, comme l'oiseau-mouche, par exemple. Voilà, Yves Legrand, 1964, une réaction à Benoît Grison. On reparlera évidemment des couleurs, mais finalement à l'évolution de notre compréhension de la perception animale. Voilà, ça c'est le cheminement de la science. C'est tout à fait normal, il y a 60 ans qu'on dise ça. En réalité, par exemple, nos chiens et nos chats ont une perception des couleurs, mais plus passée que nous, par exemple. Un chien, il voit très bien dans la gamme bleu-jaune. Bon, mais par contre, la force du chien et du chat, c'est la détection des mouvements. En bon prédateur, c'est une vision crépusculaire, nocturne, qui leur sert plus grand à grand chose quand ils sont des animaux d'appartement, mais qui est quand même assez formidable parce qu'ils ont une couche réfléchissante dans le fond de l'œil. Donc la lumière passe deux fois, et avec les petits cristaux de guanine qui tapissent le fond de l'œil, etc., bah, ils ont une vision la nuit qui est parfaite des objets et des proies éventuelles. Donc il faut relativiser tout ça, de même qu'on sait maintenant que, au contraire, il n'y a pas une universalité de la perception des couleurs chez les insectes. Hein, pas plus que d'ailleurs chez les vertébrés. Bon, donc il s'est passé beaucoup de choses en 60 ans, c'est normal. Et surtout, sont rentrés dans la danse les neurosciences, parce que maintenant c'est plus qu'une affaire d'éthologie. C'est une affaire de sciences cognitives intégrées dans un dialogue entre les bases neuronales de la perception et les comportements. Mais c'est sans cesse ce dialogue qu'on met en place. Et puis on a pu sortir de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'application systématique du principe de Morgan. C'est quoi le principe de Morgan ou de Morgan? Au début du siècle, Lloyd Morgan disait, à chaque fois que vous pouvez expliquer, c'est un principe d'économie d'hypothèse, un comportement d'apparence complexe par quelque chose de simple, par exemple des réflexes, des tropismes, faites-le. Sauf que les explications les plus économiques ne sont pas toujours les bonnes. Et on a pu revisiter, grâce aux neurosciences, la pertinence d'attribuer parfois des formes de cognition aux insectes ou aux invertébrés qui constituent des dizaines d'embranchements. Donc, invertébrés, c'est une catégorie fourre-tout. Donc, tout ça a beaucoup bougé. Hein, avec les neurosciences cognitives. Gilles Boeuf, un mot sur cette archive et plus généralement sur le moment historique à partir duquel on commence à sortir de la vision cartésienne de l'animal-machine et à s'intéresser finalement à ce que perçoit et éventuellement même à ce que ressentent les animaux. Je dirais en fait deux choses. Les premiers travaux qui ont été faits chez les mammifères ont souvent été faits chez des animaux d'élevage. Et moi, je me souviens des travaux qu'on faisait sur les lémuriens, par exemple, ou bien effectivement chez les chimpanzés, hein, par exemple, ou chez les gorilles. Il est clair que si on veut approcher ces questions-là, sans travailler sur des animaux sauvages dans la nature, on va dire beaucoup de bêtises. Alors, quelquefois, ça peut servir à quelque chose, hein, d'avoir des animaux en captivité, mais on les a humanisés quelque part, et ça, c'est pas très bon pour tous ces travaux. Ce qu'il faut se demander, en fait, c'est que, on parle d'anthropomorphisme, je suis entièrement d'accord, hein. L'animal a été considéré quand comme être sensible? C'est une vraie question. Moi-même, je sais pas si Benoît s'en souvient, quand on classait les animaux sensibles pour la loi, les poissons deviennent sensibles en 1988, vous vous rendez compte? Alors, ils ont toujours été, bien évidemment, hein. Mais pour la loi, on les reconnaît comme sensibles qu'à partir de 88. Pour une histoire toute bête, on parle de sans-science aujourd'hui, où quelqu'un avait dit, ben, ils ne ressentent pas la douleur. Et vous savez pourquoi? Une manip vraiment d'humain, de mâle d'humain. Je ne pense pas qu'une femme aurait fait ça. Hein. Un type pêchait à la ligne, il récupère pour une truite l'œil du poisson sur l'hameçon. Il a l'idée de mâle d'humain d'aller appâter sur l'hameçon l'œil de la dite truite, qui remord à l'hameçon. Voilà, on en conclut que quand on mord à un hameçon contre son propre œil, on a pas mal. C'est parti comme ça, en fait. Et puis, ça a été surtout des tas de notions qui ont été travaillées de façon un petit... Vous vous rendez compte que le bébé humain, pour la science française, la science générale, hein, il y a 40 ans, il ne souffrait pas non plus, le bébé humain. Donc, tout ça a fait des progrès. Tout à l'heure, Benoît le disait, hein, il faut voir le retour. C'est le respect de l'animal, sa prise en considération. Puis surtout qu'on arrête de parler des animaux. Les insectes, ils sont au moins 700 000 espèces connues. Donc vous vous rendez compte, il y a plus de coléoptères que de plantes sur la Terre. Ils ne sont pas tous pareils. Idem, tout à l'heure, Benoît parlait effectivement des mammifères. Les vertébrés, c'est 40 000 espèces, 45 000 espèces. Donc, ils sont aussi différents pratiquement qu'on a un nombre d'espèces. Donc, il faut regarder ça avec beaucoup plus de vues différentes. De précision. Travailler un maximum de temps sur l'animal dans son milieu extérieur, dans la nature, pour qu'on puisse sortir effectivement des arguments intéressants. Puis arrêter de tout comparer. Hein. Moi, j'ai des amis médecins qui pensent que l'espèce la meilleure au monde, la plus évoluée, la plus belle, c'est l'humain. Bah écoutez, je prends Bolt, 9,58 au 100 mètres, ça fait quoi, 44 km/h ? Bah c'est un chat, hein, c'est même pas un lapin. Et Phelps, avec le meilleur nageur du monde, c'est même pas, c'est une carpe, hein, c'est pas un espadon. Chaque espèce a évolué dans un sens particulier, dans des niches particulières, où des sens particuliers lui étaient indispensables pour survivre dans ces conditions. Bien sûr, et ça on l'a beaucoup dit hein, dans les nombreuses émissions d'éthologie qu'on a fait, il n'y a pas une espèce plus évoluée qu'une autre. Toutes les espèces que l'on connaît aujourd'hui ont évolué au maximum bien de leur capacité et sont tout aussi évoluées. On est aussi évolué qu'une puce, qu'un gorille ou qu'un narval. On va continuer à parler de la perception animale. C'est intéressant avant de se poser la question finalement de ce qu'est la perception et de nous inclure nous-mêmes dans ce règne animal, de ne pas faire cette distinction anthropocentrique. J'aime bien cette phrase, Benoît Grison, vous dites « Tous les animaux sont enfermés, donc nous y compris, dans leur monde sensoriel et ne peuvent pas a priori concevoir le mode perceptuel des autres espèces. » Oui, il y a vraiment... On connaît bien le concept de niche écologique pour chaque espèce hein, au sein de la biodiversité, mais il y a une vraie niche sensorielle, une niche perceptuelle. Bon, alors tout ça c'est logique. Très souvent, les niches qui sont interconnectées, ben, c'est celles des proies et des prédateurs, hein, évidemment. Parce que vous avez par exemple le menu fretin dont se nourrit la baleine bleue, ah, qui repère les fréquences basses, les infrasons de ce grand gousier. Vous avez bon un certain nombre d'invertébrés, entre guillemets, en général, par exemple, des petits crustacés dont se nourrissent les poissons, qui, là encore, repèrent les infrasons des poissons, etc. Ou bien sûr, les proies de l'orque qui repèrent son sonar, ses ultrasons. Mais en général, l'interconnexion, elle est proie-prédateur entre les niches sensorielles. Et il y a plein de choses qui nous échappent dans les émissions sensorielles des autres espèces dans la nature, et c'est normal, parce que le système nerveux, il est fait pour faire de la restriction sensorielle. S'il devait traiter tous les stimuli physiques environnants, d'abord, ça ne serait pas possible physiquement, mais en plus, de toute façon, même s'il en traite un beaucoup plus grand nombre qu'il n'en traite, eh bien, l'organisme, l'animal, serait complètement perturbé en termes de traitement de l'information et en termes de comportement. Donc, il y a un enfermement partiel. On va essayer de comprendre justement comment on arrive, avec nos outils conceptuels et technologiques humains, à comprendre eh bien, comment perçoivent les autres espèces animales. C'est un travail captivant, passionnant. Bienvenue dans la méthode scientifique. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. À 16h, bientôt 20 minutes, nous parlons donc de perceptions animales en compagnie de Benoît Grison et de Gilles Boeuf. Pour définir exactement ce qu'est la perception, c'est intéressant de se poser la question de ce qu'on entend par perception. Vous utilisez une autre référence, Benoît Grison. Vous parlez d'un guide de vie. Vous dites la perception, c'est un guide de vie en citant Henri Pierron. Oui, parce qu'en fait, la perception, bien entendu, c'est quelque chose qui permet aux espèces animales et peut-être parfois végétales, eh bien, écoutez, de survivre face à des stimuli qui peuvent être parfois hostiles, et ça les aide à se perpétuer, toutes ces espèces. Mais en fait, la perception, elle est en boucle avec l'action. C'est ce que les sciences cognitives ont montré. C'est-à-dire qu'un animal, à chaque instant, il perçoit et réajuste son action sur l'environnement par rapport à sa perception. Donc, il y a une grande boucle entre la perception et l'action. Il faut agir pour percevoir, notamment pour percevoir l'espace, et puis, il faut percevoir pour agir de façon adéquate. Alors, un organisme n'est jamais adapté au mieux. Et d'ailleurs, c'est pas darwinien, ça. Darwin n'a jamais dit ça. Mais il l'a adapté autant que possible à la survie, et ça, la perception l'aide à chaque instant. Gilles Boeuf, comment est-ce qu'on peut concevoir effectivement les différents seuils de perception? Parce que qui dit perception dit par extension perception de soi. Qui dit perception de soi commence à parler de conscience. Quel est le gradient qu'il y a entre la perception de l'environnement extérieur et ce qu'on pourrait qualifier de conscience. Alors là aussi, il faut mettre beaucoup d'italiques, de guillemets, ou de précautions épistémiques sur ce mot-là, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, bien sûr, j'ai bien aimé dans l'ouvrage de Benoît, d'ailleurs, bien avant les animaux, il parle du micro-organisme, les premières cyanobactéries dans l'océan, il y a presque un peu moins de 4000 millions d'années, avaient déjà une perception de leur environnement. Il y a un échange interne de la cellule, extérieur de la cellule en permanence. La perception, pour moi, elle est vitale pour qu'on puisse vivre dans un environnement particulier. Hein, on doit s'adapter en permanence à des conditions qui changent extérieures. Donc, cette perception, elle est fondamentale. Par exemple, Benoît doit savoir qu'on s'intéresse beaucoup, nous, au biomimétisme, avec notre ami Jérôme Casas, qui n'est pas très loin de lui, à Tours. Et on se rend compte qu'on a des capteurs chez des insectes. Là, c'est des hyménoptères, hein, des guêpes en particulier, mais qui sont incroyables. Ils sont émerveillants. Ils ont une précision dans le détail extraordinaire. On se dit, mais finalement, pourquoi ils sont allés si loin? Jusqu'au jour où on va trouver une araignée qui attaque effectivement à la vitesse du son. Et c'est vrai qu'on a du mal à se mettre dans la peau, je dirais, de tous ces êtres vivants, parce que, bon, d'abord, on est bien différents. Et tout à l'heure, vous disiez, effectivement, Nicolas, on a bien plus que cinq sens, nous aussi. Hein. Je dirais que dans la nature, pour moi, la communication essentielle, elle est d'abord chimique. Hein. C'est un énorme univers chimique. Et c'est curieux, cette chimie, d'ailleurs, qui intéresse tant qu'on s'intéresse à la perception, surtout en milieu marin, moi qui suis surtout marin, c'est qu'on a une image délétère de la chimie, parce que c'est vrai qu'elle a amené à des produits de chimie de synthèse dramatiques, hein, tous les polons divers et variés, qui d'ailleurs, maintenant, font un fatras moléculaire tel dans l'environnement que beaucoup de la perception de nos animaux que l'on étudie est très perturbée. Hein. Mais saumons qui ne remontent pas une rivière parce que simplement ils ne reconnaissent pas les phéromones de leurs frères génétiques qui sont en amont. Donc, mais pourtant, la chimie nous permettrait de beaucoup mieux comprendre ce qui va se passer. Parce que je dirais que la communication essentielle dans le vivant, c'est la chimie. On a parlé de goût, on a parlé d'odeur. Et dans le milieu aquatique, de façon extraordinaire, quand la vie n'est pas encore sortie vers le milieu continental. Donc, je pense qu'il faut éviter l'erreur toujours de se dire, ben, nous, on est comment par rapport avec. Puis surtout, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on réfléchit toujours avec les connaissances acquises chez l'humain, qui sont nées bien après. Tous ces animaux dont on parle, a priori, a fortiori, espèces qui ne sont pas animales, étaient là bien avant nous. Et nous sommes, nous, un système qui a évolué à partir de ces situations-là. Donc, il faut essayer de changer un peu nos mentalités dans l'autre sens. C'est ce que fait bien, effectivement, Benoît dans son ouvrage. Justement, Benoît Grison, pour sortir de cette classification complètement obsolète et non opérante des cinq sens, donc on va laisser de côté, on va dire que ça, c'est une vieille catégorisation qui, aujourd'hui, n'a plus aucun sens en science de la vie, en règle générale. C'est intéressant de voir quand même que Gilles Boeuf évoque la chimioréception, qui est très très évidemment... qui est fondamental, hein, comme l'a dit très bien Gilles, hein, au début de la vie, les unicellulaires, il en parlait tout à l'heure, hein, que ce soit sans noyau vrai comme les bactéries, ce qu'on appelle les archées, etc., ou un noyau vrai comme ce qu'on appelait autrefois les protozoaires, les protistes. C'est déjà de la perception, mais à base chimique, biochimique. Ok, mais plus généralement, en dehors de cette perception chimique qui est aussi incarnée par la gustation, hein, puis vous savez très bien qu'olfaction et gustation chez les vertébrés sont liées. On en parlait à ce micro, je crois, la semaine dernière. On faisait une émission sur le goût. Eh bien, vous avez bien sûr la perception visuelle, très bien, mais vous avez aussi la perception des variations du champ magnétique terrestre, ce qui semble très important chez beaucoup d'espèces, que ce soit des invertébrés, entre guillemets, parce que, une fois de plus, cette catégorie est une catégorie fourre-tout, c'est les invertébrés, ou beaucoup d'espèces de vertébrés, au cours de l'évolution de la biosphère qui se fait en lien complexe avec la géosphère, il y a eu un développement de la perception du champ magnétique terrestre et de la variation du champ magnétique. Il y a aussi, bien sûr, la perception de son propre corps dans l'espace. Voilà, proprioception. Ça, c'est extrêmement important. Et parfois, on parlait tout à l'heure de la complexité de la notion de conscience. C'est souvent le début de la conscience. C'est-à-dire, maintenant, on sait, chez certaines espèces de vertébrés ou d'invertébrés, entre guillemets, quand on met en évidence une perception fine du corps à travers l'expérimentation, il y a un soupçon de conscience de soi-même par l'organisme. Chez les céphalopodes, par exemple, de manière un très bel exemple, qui est très à la mode en ce moment, mais à juste titre, parce que c'est un animal à cognition extrêmement développée. On le sait bien depuis longtemps, mais on le sait de mieux en mieux. Et puis, vous avez la perception de la douleur. Bon, et la perception consciente de la douleur, qui a été longtemps déniée, comme disait Gilles Boeuf, notamment aux poissons, etc., parce que quelque part, biais anthropomorphique. Le poisson n'est pas expressif. Il n'exprime pas des choses à nos yeux de primates comme nous le faisons avec nos muscles faciaux. Mais aussi, il y avait des biais sociologiques. Moi, ça m'intéresse aussi, en tant que sociologue des sciences qui s'intéresse à l'histoire des conceptions scientifiques. C'est-à-dire que, comme le dit Gilles, c'est très genré, cette histoire. Les grandes pionnières de la souffrance animale démontrée scientifiquement comme étant consciente, la sentience, c'est des gens comme la chercheuse Lynn Sneddon. Essentiellement des femmes. Voilà, ou Mrs. Dawkins. Il y a des exceptions en France, Georges Chapoutier, mon ami Georges, mais c'est... Voilà. Oui, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Gilles, vous voulez réagir ? Oui, oui, absolument, j'y tiens beaucoup. Et ça, ça a beaucoup perturbé, bien sûr, nos considérations. Absolument. Je pense qu'on a trop tendance à faire des catégories. Et au niveau de la loi, les seuls invertébrés qui sont classés comme étant d'ailleurs sensibles, ce sont les céphalopodes. D'ailleurs, moi, je n'en mange plus. J'ai terminé, je ne mangerai plus un morceau de seiche, de calmar ou de pieuvre. Comme vous. Tellement ces animaux sont incroyables. J'ai vécu trop d'aventures avec eux, en captivité ou dans la nature, pour ne pas les considérer comme vraiment, vraiment fascinants et émerveillants. Alors, ils sont tout mous, c'est des mollusques. Il y a juste le bec qui est dur, mais ils ont des performances incroyables. Je pense qu'il faut toujours ramener ces performances à la façon dont ces animaux vivent dans ces niches écologiques qu'évoquait tout à l'heure, effectivement, Benoît. Je prends le cas d'un rat. Un rat est bien meilleur que moi pour sortir d'un labyrinthe. Il y a certainement des raisons à cela. Si on fait on va prendre des exemples très précis dans quelques minutes, mais effectivement, Benoît Grison, on peut voir, on a souvent dit dans l'expression populaire, voilà, ces animaux, ils ont un sixième sens. En fait, on se rend compte que ce sont des sens qui sont conçus différemment. Que vous parliez tout à l'heure, par exemple, de magnétoperception chez évidemment certains insectes, alors invertébrés. On est dans ces espèces de familles qui sont pas très précises. Bon, on sait qu'il y a certains coléoptères qui sont sensibles à la magnétoperception, qui ont une magnétoperception. Vous avez des mollusques dits archaïques très anciens qui effectivement perçoivent aussi les variations du champ magnétique terrestre. Vous avez le comme lesquels par exemple. Comment? Comme lesquels? Oh bah ou ce qu'on appelle des chitons. C'est des mollusques qui ont des petites plaques calcaires sur le corps et qui effectivement apparemment s'orientent sur le champ magnétique terrestre. Mais vous avez des crustacés, par exemple Palinurus qui est un crustacé des Caraïbes qui fait des migrations en fonction des variations du champ magnétique terrestre, qui lui servent de repères, parce que selon la latitude, le champ magnétique terrestre n'a pas, bien sûr, la même intensité. Oui, il y a d'autres exemples qui sont très atypiques pour nous, parce que là, effectivement, on s'éloigne de nos perceptions, qui sont finalement, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Gilles Boeuf, les perceptions humaines sont finalement, à part peut-être le goût, et d'ailleurs on y reviendra, sont assez limitées. Oui, dans l'ensemble. Oui, en fait, là encore, je rejoins complètement Gilles en disant... Faut arrêter de faire un palmarès. Voilà, bien sûr. C'est ce qu'on appelait, c'est le péché de gradisme en biologie de l'évolution. Parce que tout simplement, nous avons des perceptions qui sont extrêmement développées. Par exemple, notre odorat est effectivement beaucoup plus développé qu'on ne le pense. Et puis, nous sommes tout à fait lamentables sur certains modes perceptifs. Et inversement pour d'autres organismes. Donc, l'électroperception de certains grands poissons cartilagineux, des requins notamment. Oui, bah là encore, c'est en fait une magnétoception indirecte, en fonction en fait de l'impact qu'ils ont sur le champ magnétique environnant. En tant que conducteurs, quand ils se déplacent, ils arrivent à se reconnaître dans l'espace. Ça aide, par exemple, le requin marteau à faire des migrations formidables. Et d'ailleurs, il a des magnétocepteurs dans ses deux excroissances latérales de la tête qui nous frappent tant, le requin marteau, voyez. Donc, je parlais tout à l'heure du papillon monarque. Si on revient sur Terre avec les invertébrés, s'il va hiverner au Mexique chaque hiver, précisément, c'est en partie grâce à sa perception du champ magnétique terrestre et de ses variations, puisque, vous savez, champ magnétique terrestre, comme on l'apprend à l'école, est maximum au pôle et varie selon l'altitude. Voilà, donc c'est vraiment un univers de perception un peu inconcevable pour l'esprit humain jusqu'à ce que l'être humain invente la science. Parce que c'est vrai qu'il est le seul animal, en tant qu'animal culturel, à avoir inventé la science. Et là, il se donne des outils, que ça soit technique, des instruments ou conceptuels, pour contourner en partie ses limites sensorielles et commencer à comprendre ce qu'est la perception animale, même s'il n'est pas dans le corps de l'animal. Bien sûr. On va en parler dans un instant, parce qu'on va voir qu'effectivement, ça pose des problèmes expérimentaux de taille. Oui. Moi, il y a une question. Gilles Boeuf, vous vouliez réagir un mot? Oui, oui, tout à fait à ce que disait Benoît. Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé, vous savez, j'ai passé 20 ans de ma vie sur les migrations des saumons. Oui. On a trouvé de la magnétite dans le cerveau des saumons. Et ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que souvent, c'est un mélange, en fait, dans les situations différentes de perception et de réaction. Il y a à la fois les magnétorécepteurs et puis la chimie, toujours. Le saumon a une capacité incroyable, olfactive, géniale, pour retrouver les phéromones de ses frères génétiques dans la même rivière. Et aujourd'hui, les activités humaines viennent perturber ceci. On pourra parler, bien sûr, du bruit au niveau des grands cétacés. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, Benoît parlait aussi du changement magnétique pour les erreurs d'orientation des grands cétacés qui vont s'échouer sur une plage. Exactement. Parce qu'on est dans un endroit particulier où le champ géomagnétique devient perpendiculaire par rapport au rivage. Et je me rappelle chez mes saumons comment vous avez, en fait, c'est comme un pilote. J'ai un ami qui est pilote qui est d'Airbus. Il me dit, on va quitter l'aéroport avec un guidage, effectivement, qui part de l'aéroport à tour de contrôle, le retour aussi. Puis il y a une navigation ensuite au large de l'Atlantique. C'est pareil. Ces poissons vont partir sur de la chimie, revenir sur de la chimie, et au milieu, ils sont sur le champ géomagnétique. Ouais, voilà. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils apprennent pendant ce temps-là. On montre qu'une femelle de saumon atlantique qui est déjà allée au Canada fait beaucoup plus vite le voyage. La seconde fois, elle peut encore aller se reproduire. Mon record personnel, c'est une femelle qui avait 9 ans. Elle avait fait 3 migrations, Pointe-Bretonne, Labrador, aller-retour. Et chaque fois, elle allait plus vite. Donc, vous voyez que tout ça est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Ils vont mélanger, en fait, ces captations de l'environnement, les adapter à leurs conditions particulières et les utiliser dans le bon sens pour leur survie. Une question rapide, peut-être, oui. Benoît Grison, on va voir hein, là dans quelques instants, notamment avec le reportage, comment on peut justement étudier et quelles sont les techniques ou les cadres expérimentaux que l'on peut mettre en place pour comprendre justement ces différents types de perceptions. Ah. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on appréhende justement ces perceptions-là chez des espèces qui n'ont pas de système nerveux central? Ah, eh ben c'est très très très compliqué. On citait l'exemple des céphalopodes et du poulpe, qui a un cerveau dit distribué, hein, c'est du franglais, hein, décentralisé, on dira en meilleur français. Bon, il y a une relative autonomie des bras, mais en même temps, il y a une mémoire, parce que le poulpe, le calmar, la sèche ont une mémoire extraordinaire, c'est centralisé. Et alors là, c'est quand même des protocoles expérimentaux en aquarium qui permettent de mieux comprendre certains processus cognitifs associés à la perception, parce que c'est vrai que le traitement au niveau du système nerveux n'a rien à voir avec le nôtre. Hein, parce que il a opté, en fait, les céphalopodes ont opté pour une décentralisation d'un système nerveux complexe. Alors qu'il y a des petits cerveaux sur chaque bras. C'est ça. On peut dire ça en marchant vite en marchant vite sur donc nos bras de céphalopodes. Voilà, il y a cette décentralisation. C'est pas du tout le même fonctionnement neurophysiologique. Cependant, c'est extrêmement efficace et on voit bien que il y a quand même un petit parallèle avec le système nerveux humain. On oublie toujours l'importance du système nerveux périphérique dans nos perceptions, et notamment dans la perception du corps dans l'espace. Mais eux ont poussé beaucoup plus loin l'importance de la décentralisation, en fait, des réseaux neuronaux. Et donc, c'est quand même les tests comportementaux qui sont de plus en plus affinés, qui nous permettent d'un petit peu appréhender ce que c'est cette perception avec un cerveau si différent du nôtre, un système nerveux si différent du nôtre, notamment central. Et sur la perception visuelle, par exemple, des insectes et des insectes, et notamment des hyménoptères ou des insectes volants à facettes, comment est-ce qu'on interprète ça? Il y a des choses tout à fait fabuleuses. Hein, par exemple, vous avez une guêpe maçonne indienne hein, qui s'appelle Delta Conodon. Oidum, du moins dans la taxinomie, la classification actuelle, s'appelait pas comme ça, qui a été étudié les années 30 par un entomologue britannique, Kingston, en Inde. Et à l'époque, il a suscité le scepticisme, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, parce qu'il a dit « cette guêpe maçonne, selon qu'elle construit ses logettes en argile sur un mur chaulé ou sur un mur peint avec une certaine couleur, elle ira chercher le matériau qui permettra aux logettes, et donc la protection des œufs prime, à l'habitat des œufs de se confondre avec le mur. Donc il en concluait deux choses. D'abord que cette guêpe maçonne indienne Delta Conoidum percevait les couleurs très finement. Et deuxièmement qu'il y avait un comportement cognitif sous-jacent derrière cette perception des couleurs, puisqu'elle allait chercher parfois très loin dans l'environnement, il l'a montré par étude comportementale, les matériaux qui permettraient de faire des logettes pour les œufs et puis les larves de développement qui se confondent avec la couleur du mur. Et donc, on a là vraiment aussi quelque chose qui est très important dans l'étude de la perception animale, y compris chez les invertébrés, que ça soit des méduses, on pourra peut-être en reparler, ou des insectes, c'est le fait que la perception, c'est vraiment l'antichambre de la cognition, ça fait partie de facto de la cognition, parce que ça suppose tout de suite une mémoire, au moins temporaire, etc. We'll be right back. I used to be cool with being alone, but enduring is cruel when it's been too long. Life and a walk in the park. Not easy to look up when you're feeling low, picking yourself up and letting go. Writing on the same old song, is that really helping me? I'm longing for a touch, I'm longing for a kiss, I'm longing for such things I can't list, but no. Lonely for Too Long de Paperwhite à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de perceptions animales en compagnie de Benoît Grison, auteur de Les Portes de la Perception Animale chez Delachaux et Niestlé, docteur en sciences cognitives, biologiste, sociologue des sciences et enseignant-chercheur à l'UFR Sciences et Techniques de l'Université d'Orléans, et Gilles Boeuf qui est biologiste et ex-président du Muséum d'Histoire Naturelle. On le disait donc avant la pause musicale, un problème de taille se présente aux éthologues qui travaillent sur les perceptions animales. Quel protocoles expérimentaux mettre en place pour acquérir une connaissance de ces perceptions qui ne soient pas biaisées par notre interprétation anthropomorphique, dis donc, quand même. Il a, lui, un sens de l'odorat très développé, le poil dru, et il perçoit les ultrasons. C'est Antoine Beauchamp qui est avec moi en studio pour la première fois depuis le mois d'octobre. Bonjour, bonjour Antoine. Bonjour, incroyable. Bonjour à tous. Ça fait 1200 ans à peu près. C'est ça, j'avais oublié à quoi vous ressembliez. J'ai eu peur quand vous êtes entré, je me suis dit, ah, voilà, sécurité, non, pas du tout. Oui. Bon, Antoine, sérieusement, vous êtes allé essayer justement de comprendre comment sentent les papillons. Oui, j'ai rencontré Nicolas Montagnier, qui est maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur au sein de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, au sein de l'équipe chimioréception et adaptation. Avec son équipe, Nicolas Montagnier s'intéresse à la communication phéromonale des papillons de nuit et aux façons dont les papillons perçoivent les phéromones émises par leurs partenaires. Pour faire ça, les scientifiques ont recours à des méthodes d'observation comportementale, mais aussi à des expériences d'électrophysiologie de haute précision. Alors il y a deux principaux outils en fait qu'on utilise quand on s'intéresse à l'olfaction chez les papillons ou chez les insectes en général. La première technique qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'électrophysiologie, c'est-à-dire mesurer, enregistrer l'activité électrique de ces fameux neurones là qui détectent les odeurs. Donc ça, c'est un moyen d'identifier quelle odeur est détectée par quel neurone. Donc nous, ça nous permet de vraiment comprendre comment le système fonctionne. L'autre technique assez couramment utilisée dans les laboratoires comme le nôtre, c'est d'étudier le comportement des insectes en réponse à une stimulation odorante. Par exemple, comment va se comporter le mâle quand on le stimule avec une phéromone. Alors, on vient d'entrer dans une pièce où c'était indiqué insectarium. Donc, on est un petit peu dans votre élevage ici. Donc voilà, par exemple ici, donc il se trouve qu'au laboratoire, on a un modèle en particulier, hein, qui est un papillon de nuit qui vit normalement dans les pays tropicaux. Et donc, il y a quand même une grosse activité d'élevage. Hein, comme tout le monde le sait, les papillons à l'état larvaire, ce sont des chenilles, ça mange beaucoup, donc il faut les nourrir souvent. Et donc ensuite, ces papillons, quand on s'intéresse à la communication phéromonale, il faut absolument les séparer entre mâles et femelles. Parce qu'évidemment, là, ça a une importance toute particulière dans ce cadre-là. Donc là, vous ouvrez la boîte et dedans, il y a un trésor. Donc voilà, là, ici, ce que vous pouvez observer, ce sont les chrysalides. Donc les chenilles se métamorphosent. Et de la chrysalide, vous allez avoir, par exemple, ici, dans le coin, voilà, un papillon adulte qui vient d'émerger. Et donc, ce sont ces insectes-là, ensuite, qu'on va pouvoir utiliser dans nos différentes expériences. Peut-être qu'on peut aller voir maintenant du coup du côté expérimental comment à partir de cet élevage-là, vous les étudiez. Je vous suis à nouveau. C'est marrant, il y a un filet à papillons dans un coin. Parce qu'il y a des évadés parfois. Ici, il y a beaucoup plus d'étuves parce que c'est surtout les chenilles qui prennent de la place et donc qu'on garde longtemps. Donc voilà, ici, c'est ici qu'on chouchoute les chenilles en leur donnant à manger. Et donc ici, où on va pouvoir réaliser ensuite des expériences de comportement, par exemple. Donc, on rentre dans le laboratoire. Dans ces pièces-là, en fait, la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il fait noir. Ouais. Puisque ce sont des papillons de nuit, ça veut dire que pour ne pas perturber en fait, leur comportement, on est obligé de les étudier la nuit. Alors on leur fait croire que c'est la nuit. C'est-à-dire que dans la journée, dans les enceintes, la lumière est éteinte, donc pour eux, c'est la nuit. Et donc, après, on les manipule pendant la journée. Pour eux, c'est toujours la nuit. Et donc, dans des pièces comme ça, lumière éteinte, on va, par exemple, quand on s'intéresse à la communication formelle, on va un petit peu observer leur intimité dans le noir. Mâles et femelles, on les filme, en fait, à leur insu, pour voir la façon dont ils vont pouvoir réagir selon différentes conditions de l'expérience. Si vous deviez décrire une scène type que vous observez, que vous pouvez décrypter, vous, en tant que spécialiste de la question, qui se passe ici dans le laboratoire obscur? Alors, il y a effectivement un comportement qui est extrêmement stéréotypé hein, chez les papillons mâles qui détectent l'odeur d'une femelle. Alors, il y a différentes façons de l'étudier. On peut, par exemple, étudier le vol d'un mâle dans ce qu'on appelle un tunnel de vol. On peut aussi, quand ils sont dans un petit volume, dans un petit espace, observer des mouvements d'antennes, des battements d'ailes, des choses très stéréotypées qui nous donnent beaucoup d'informations, qui nous permettent de savoir si le mâle est effectivement à détecter ou pas le signal émis par la femelle. Ça, c'est pour l'approche comportementale. Vous parliez également d'expérience en électrophysiologie. Alors ça, comment ça se passe et qu'est-ce que ça mobilise comme instrument? L'électrophysiologie, ça nécessite évidemment des instruments de précision parce que le principe de base, en fait, c'est d'insérer. Alors, il y a différentes techniques qui existent, hein, mais quand on s'intéresse aux neurones qui sont dans les antennes, en fait, ça va être de venir insérer une électrode extrêmement fine, hein, fine comme un cheveu, en contact avec un de ces neurones olfactifs. Donc, ça veut dire immobiliser l'insecte tout en le maintenant vivant, bien sûr. Le placer sous un appareil optique, un microscope ou une loupe binoculaire. Et une fois que les électrodes sont en place, eh bien, on va stimuler avec un flux d'air odorisé l'animal et on enregistre en direct la réponse à l'activité électrique des neurones. Cette réponse-là, vous me disiez en préparant ce reportage qu'elle se manifeste d'un point de vue sonore. Enfin, vous l'étudiez de quelle façon? Alors, on la voit. Ouais. Donc sur l'écran de l'ordinateur, on n'a plus d'oscilloscope aujourd'hui, on utilise des écrans d'ordinateur. Et effectivement, on l'entend aussi, ce qui nous aide beaucoup dans les expériences, ça permet de ne pas avoir les yeux rivés sur l'écran pendant qu'on manipule. Et donc on entend aussi les décharges de ce qu'on appelle les potentiels d'action de ces neurones, quand les neurones sont activés. À partir donc de ces expériences en électrophysiologie, mais également des expériences d'observation comportementale dont on parlait juste avant, quel type de résultats vous obtenez? Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'un des résultats auxquels vous êtes parvenu et pourquoi c'est intéressant dans le cadre de ces recherches-là? Par exemple, un des derniers résultats marquants qu'on a pu obtenir, c'est qu'il se trouve que chez le papillon qu'on étudie nous au laboratoire, ça faisait de longues années qu'on cherchait à identifier le récepteur justement chez le mâle qui permet de détecter la phéromone des femelles. Et on a identifié un type de récepteur disons original, qui ne ressemble pas à celui qu'on trouve chez les autres papillons de nuit. Donc ça, c'était pour nous un résultat particulièrement intéressant parce que ça pose des questions sur l'évolution de cette communication phéromonale. C'est pas exactement comme on le pensait, c'est-à-dire peut-être il y a eu plusieurs apparitions au cours de l'évolution de ce type de système de détection. En fait, l'expérience d'aujourd'hui, elle est justement faite pour essayer de comprendre un petit peu plus comment ce récepteur est apparu. Et voilà l'apparition de ces chimiorécepteurs chez les papillons. Une réaction à ce reportage que vous venez d'entendre, Benoît Grison? C'est une belle illustration de ce que sont actuellement, par exemple, les neurosciences de la perception. C'est-à-dire qu'on articule, comme je disais au début de l'émission, sans cesse des études comportementales et puis des enregistrements électrophysiologiques. Bon. Alors, les phéromones sont très importantes chez les papillons. À la fin du 19e siècle, c'est Fabre, l'entomologiste français bien connu, qui l'avait soupçonné, chez le grand paon, Saturnia pyri, un grand papillon nocturne. Et il avait même soupçonné que c'était dans les antennes que se jouait la perception. Mais vous savez, les phéromones sont importantes aussi chez les mammifères, même si on suppose, mais c'est controversé dans la communauté scientifique de la perception, que l'être humain ne perçoit plus de phéromones. Mais ce que je voulais dire, c'est que les papillons, c'est aussi un univers de sons. La première fois qu'on a articulé chez les invertébrés de l'électrophysiologie fine et de la perception et de l'étude comportementale, c'était à propos des papillons, les études de Kenneth Roeder au début des années 60, qui a montré que certains papillons détectaient les ultrasons des chauves-souris qui se nourrissaient d'eux, ça c'est en Amérique du Nord, et que c'était quelques neurones, moins de 10, qui permettaient une réaction quasi automatique de plaquage au sol du papillon pour se protéger de la chauve-souris prédatrice. Et après, les disciples de Roeder ont même montré qu'il y avait ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des signaux aposématiques des papillons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un signal qui dit « ne me mange pas, je ne suis pas bon ». Et alors, par rapport aux chauves-souris, certains papillons, notamment nord-américains, ont développé des signaux d'avertissement « je ne suis pas consommable » de type sonore, que reconnaissent les chauves-souris, qui tendanciellement mangent moins ces êtres-là. Alors on retrouve le couplage qu'il y a entre les niches sensorielles, par exemple acoustiques, des papillons et de leurs prédateurs. Oui. Gilles Boeuf, en réaction à ce reportage. Une chose très jolie, ce que disait Benoît à l'instant, c'est souvent la couleur, c'est visuel, les papillons qui sont toxiques, on touche orange-rouge. Oui. Les papillons qui ne sont pas toxiques, qui vont mimer des toxiques pour qu'on leur fiche la paix. Tout ça a été très bien étudié en Amazonie. Je vais revenir à notre bombiste tout à l'heure, parce que la précision de détection, ils arrivent à retrouver une femelle à plusieurs kilomètres de distance. On est de l'ordre de la molécule isolée dans l'air. Et vous savez ce qu'on fait aujourd'hui ? Combien de kilomètres ? Pardon ? À combien de kilomètres ? Une dizaine de kilomètres ? Du moins, minimum, ouais. Gilles Boeuf, je laisse poursuivre. Oui. Et ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser ces connaissances pour faire du biomimétisme. Ouais. On travaille beaucoup aujourd'hui sur la détection des explosifs, par exemple. Et on s'est inspiré de la microstructure et de toute la sensorialité des antennes de mâles de papillons, de Bombyx du Mûrier par exemple, pour augmenter considérablement nos détections. Et on passe d'une molécule sur un milliard de molécules d'air, je pense à du TNT par exemple, on arrive aujourd'hui à 800 molécules sur un million de milliards de molécules. Mmh. Et demain, je pense que ces travaux en biomimétisme avec des capteurs qui sont faits en silicium de quelques microns d'épaisseur, on sera capable demain d'aller chercher effectivement des drogues, des toxiques et même peut-être des quantités infimes de polluants. Donc voilà comment ces études-là, en plus, peuvent retrouver des retombées, je dirais, technologiques extrêmement intéressantes pour l'humanité. Alors, on va revenir, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est intéressant, parce que le reportage terminait sur ces multiples apparitions d'un certain nombre de récepteurs ou d'organes de perception. On parlait de la vision. Il y a évidemment ces montages fascinants et des yeux différents de différents animaux qui perçoivent de façon évidemment très différente. Un œil de chèvre, un œil de céphalopode, un œil de singe, un œil de chat, un œil de serpent, etc. etc. Et puis, il y a des formes de vision qui sont des formes de vision très distinctes, assez lointaines de celles qu'on imagine de perception immédiate des ondes électromagnétiques. Comme par exemple, vous parlez de la méduse. Oui, il y a certaines grandes méduses cubiques des palétuviers de la région indomalaise. Elles vivent en fait au sein des racines des mangroves et donc dans une eau turbide. Elles ont développé de fait une vision des couleurs, pour paralyser les petits crustacés dont elles se nourrissent. Bon, vous avez aussi un crustacé indo-pacifique, la skimante, qui utilise 12 photorécepteurs, si vous voulez, contre 3 chez l'abeille et l'être humain, pour percevoir la lumière. Et en plus, elle perçoit, la skimante, la lumière pour aller voir la risée aussi. Et donc, ça en fait un prédateur redoutable. Et donc, oui, par exemple, l'œil, qui était un grand cheval de bataille des théologiens, on dirait, en faisant un anachronisme créationniste contre Darwin, on pourrait dire que dans ce cas-là, on disait autrefois, Dieu aime beaucoup les coléoptères, parce que comme disait Gilles, il y a énormément de coléoptères dans la nature, mais Dieu apparemment aime beaucoup les invertébrés, parce que pour ces théologiens, l'œil humain était ce qui était le produit suprême de la création, en réalité pas du tout. Loin s'en faut. Loin s'en faut. On a dit qu'on comparait plus. Voilà, arrêtons de comparer au sein du corail de la vie. Gilles Boeuf. Oui, parce que moi j'ai très bien connu, il le cite dans son livre, Benoît, Walter Gehring. Oui. Il a travaillé tous les étés au laboratoire de Banyuls avec nous. Oui. Il y a eu 2 prix Nobel dans son laboratoire en 1995. Et en fait, pendant très longtemps, on avait cru que les yeux avaient évolué de façon très différente chez tous les êtres vivants qui en possèdent. Et c'est vrai que l'œil est absolument fascinant, comme disait Benoît à l'instant. Et on s'est rendu compte sur des manips qui avaient été faites chez des souris d'abord, des souris qui n'avaient pas d'yeux. On les appelle aniridia. Et ensuite, des drosophiles, des petites mouches qui n'avaient pas d'yeux, que c'était la même séquence génétique qui manquait, d'où l'idée d'un gène, que cite d'ailleurs Benoît, qui s'appelle PAX6, oui, tout à fait. Qui met en place toute une partie du rostre, de la face, et puis également ses yeux. Et quand Gehring a surexprimé ce gène chez des mouches, il a obtenu des yeux partout, sur les pattes, sur les antennes, sur les ailes, et des yeux qu'on a vérifiés en électrophysiologie comme étant fonctionnels. Il n'était pas, parce que pas relié à un système nerveux, ça marchait. Et si on invalide PAX6, il n'y a pas d'yeux. Ils sont allés plus loin, ils ont invalidé le gène de la mouche, ils l'ont remplacé par le gène humain, et la mouche a eu des yeux d'humain. On n'a pas osé faire la manip chez des bébés pour l'instant. Oui. Et c'est pour vous montrer que c'est extrêmement intéressant dans l'évolution. Et ça, c'est des manips de 94. Oui. Il montre effectivement que l'œil est extrêmement intéressant. Et je ne sais pas si... Tout à l'heure, Benoît parlait des méduses. Alors, ce n'est pas le même gène, c'est PAX2. Hein, il est un peu différent de PAX6. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a un petit être vivant, un dinoflagellé, hein, donc un protiste du phytoplancton qui s'appelle Erythropsis et qui ressemble à un œil. Oui. Oui, ça intéresse beaucoup certains ophtalmologistes chercheurs, notamment ce type de protéine. Attendez. L'œil, c'est comme la mitochondrie, il a été capté au cours de l'évolution. Oui, c'est ça. Que c'est un gène qui est très très ancien et qui appartient à beaucoup. Ce que soulève Gilles, c'est qu'à la fois, il ne faut pas comparer, mais il y a unité et diversité du vivant. Et il y a effectivement des gènes, notamment architectes, comme PAX, qui sont très anciens. Et puis, il y a eu aussi des endosymbioses, ce qu'il évoquait à l'instant. C'est-à-dire que vous avez des protistes ou des bactéries qui ont été intégrées aux organismes qui servent quelque part des fonctions physiologiques de l'organisme, y compris dans le domaine oculaire. Une question intéressante que nous pose un auditeur ou une auditrice sur le fil Twitter de l'émission, que j'avais pas prévu de vous poser, mais que je trouve assez passionnante, Benoît Grison. Qu'en est-il de la perception du temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer de manière expérimentale? Alors, c'est en soi tout un sujet. On a des éléments là-dessus. Effectivement, je ne l'ai pas traité dans le livre à dessein parce que là, c'est vraiment le domaine de la chronobiologie. Et alors, autrefois, les chronobiologistes, ceux qui étudient les rythmes des organismes animaux et végétaux, disent « Ah oui, mais seul l'être humain a une sorte de chronopsychologie conscience d'une certaine temporalité. » C'est pas du tout vrai. Il y a tout un tas d'animaux qui ont conscience de toute personne qui vit avec des animaux sait que ça n'est pas vrai. Bien sûr. Que la notion évidemment, de la distance, sûr. De la séparation. Mais là aussi, c'est parce que les chronobiologistes, les pères fondateurs, c'était des médecins. Alors, je n'ai rien contre nos amis médecins, mais forcément, pour eux, l'homme, c'est normal, ils s'en occupent, ils essaient de le sauver, de préserver sa santé, son bien-être, et toujours un peu à part. Ben non. Et puis, il est tellement mieux. Il est tellement mieux, oui. Je vais revenir, si vous voulez, à la pieuvre. Oui, Gilles. On avait une pieuvre, Benoît, à l'aquarium de Vancouver, 5 ans après sa capture. Il y avait une partie profonde dans l'aquarium, mais une partie qui était moins profonde. Ouais. Tous les jours, à la seconde près, il marquait la marée qui change tous les jours. Il prévoyait la marée, il descendait dans la partie profonde du bassin parce que l'eau allait partir. Oui. Voilà une magnifique preuve de chronobiologie exceptionnelle, toujours encore chez nos chers céphalopodes. Voilà, exactement. Il y a un exemple que je trouve assez génial aussi, Benoît Grison, c'est celui de la puce, le rapport à l'espace de la puce. Oui, bien sûr. Alors c'est Myriam Rothschild qui était une grande biologiste britannique et qui, en fait, a montré que si nous étions une puce, eh bien, par rapport à notre taille corporelle, notre hauteur, un peu moins de 2 mètres pour la plupart d'entre nous, on serait capable, si on était comme une puce, bien sûr, relativement à l'espace, de sauter de 100 mètres en hauteur et de 300 mètres en longueur. Alors vous allez me dire qu'il est intéressant, mais ça change complètement le rapport à l'espace, la perception de l'espace et donc aussi la cognition par rapport à l'environnement. Voilà. Donc ça n'a rien d'anecdotique en réalité. Ces questions de perception du corps sont très importantes. Bien sûr, et du corps surtout. Du corps dans l'espace. Il y a aussi cette idée. Alors vous utilisez pas ces termes, mais est-ce que c'est abusif de parler on l'évoquait tout à l'heure. Gilles en parlait au moment de combiner vous le disiez par exemple la magnétoperception avec la vue, l'odeur, etc. Une forme de synesthésie. Est-ce qu'on peut parler de synesthésie ou est-ce que c'est pas approprié? Cas, c'est des phénomènes synesthésiques qui permettent de construire des cartes cognitives. Mmh. Et Gilles a très bien évoqué la migration des saumons, qui connaît infiniment mieux que moi. Et ben, le saumon, il utilise plusieurs modalités sensorielles pour migrer. Il peut être victime en plus de la pollution olfactive, y compris d'ailleurs avec la trop forte concentration de CO2, avec l'augmentation du taux CO2 dans l'eau de mer maintenant, etc. Et tous ces animaux-là font des cartes cognitives. Ce qui explique d'ailleurs le joli exemple qu'a évoqué mon collègue tout à l'heure, à savoir qu'il y a certains animaux qui ont un certain âge, qui ont accumulé, qui ont tellement rodé leurs cartes cognitives qu'ils vont plus vite pour la migration. Ça, on retrouve ça chez les oiseaux, chez les poissons, bien sûr, etc. Donc oui, la base, c'est quand même des formes de synesthésie. Oui, oui. Gilles Boeuf, à ce propos. Oui, mais c'est vrai que c'est tout à fait passionnant. Hein. En plus, il faut dire aussi que ces récepteurs que l'on a, ces percepteurs, ces perceptions, elles peuvent très bien varier avec l'état physiologique et avec l'âge. Oui. Hein, moi, je vois, par exemple, chez une femme, l'incroyable développement du sens de l'odorat quand elles sont enceintes. Hein. C'est spectaculaire. Hein. Complètement. Et c'est vrai que ça veut dire que ça varie au cours du cycle menstruel, ça varie au cours de la vie, et lié à l'âge aussi. Et regardez par exemple ce qu'on fait maintenant, c'est vrai, les gens capables de vous déceler un mouton Lafitte, un château Lafitte 47 au nez. Et oui. Puis ces chiens que nous avons maintenant avec nos amis du CEVA à Libourne qui détectent des gens Covid positifs. Bien sûr. Ça marche très bien. Oui, ou cancer positif aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un apprentissage qui peut se mettre en place. Hein. Et puis aussi, ça varie beaucoup avec l'état physiologique. Et ça, il faut qu'on regarde en détail aussi dans le vivant, parce que c'est pas chaque espèce, c'est chaque espèce dans son milieu particulier à un moment précis de sa vie. Voilà. Les saumons ne sont pas toujours capables de faire ça. La migration est un état très particulier dans leur vie générale. Pour conclure dans les dernières minutes, j'aimerais qu'on conclue par quelque chose que l'on a abordé mais que je trouve quand même vraiment très important, parce que évidemment que notre regard sur nos camarades animaux, puisque l'être humain est un animal, on a tendance à l'oublier trop souvent, a beaucoup évolué ces dernières années, et notamment cette notion de nociception, c'est-à-dire de sentiment de la douleur. Par exemple, vous le notez, et je trouve que c'est aussi important de le rappeler, chez les invertébrés, chez les crustacés, aujourd'hui, il y a des preuves C'est le concept de sentience, Nicolas. La sentience, en fait, c'est la perception consciente de la douleur. C'est-à-dire plus une perception réflexe, mais une perception consciente. Et il y a les très beaux travaux du chercheur irlandais Elwood, dont je parle dans le livre, sur les Bernard l'Ermite. Alors, comme tous les enfants le savent, les Bernard l'Ermite viennent récupérer des coquilles de mollusques qu'ils habitent. J'ai une passion pour les Bernard l'Ermite. Dès que je pars, je cherche les Bernard l'Ermite, j'adore les trouver. Ah, moi, gamin, ça me fascinait complètement. J'ai une passion totale pour les Bernard l'Ermite. Et alors, Elwood a montré une chose, avec des protocoles extrêmement fins. Si on impose à certains Bernard l'Ermite des coquilles misérables dans lesquelles ils arrivent à peine à entrer, qui sont très peu protectrices, et qu'on leur envoie, et le protocole est très très standardisé, carré, des stimulations électriques alors qu'ils sont dans cette coquille piteuse, qui sont très désagréables, aversives, mais qui ne mettent pas en danger le pronostic vital de l'animal, eh bien, en général, les animaux sortent très vite. Par contre, à l'autre bout, parce qu'il y a des situations intermédiaires, vous leur offrez une superbe coquille qui est nettement plus grande que l'animal, qui est totalement protectrice, il ne sort pratiquement, c'est une tendance statistique, jamais. Il préfère, alors attention à l'anthropomorphisme, mais disons, on peut, tout se passe tolérer ces stimuli nociceptifs pas mortels et garder le bénéfice de cette protection maximale contre les prédateurs. Et donc, Elwood dit que vraiment, à travers les différents protocoles, en jouant sur les variables, il a pu montrer qu'il y avait une sorte d'arbitrage, sans doute cognitif, entre qu'est-ce que ça me coûte en termes de risque vital, jusqu'à quel point je peux subir. Si ça vaut le coup, entre guillemets, en termes de survie. Ce sera le mot de la fin, c'est absolument passionnant, vous l'aurez compris. Les portes de la perception animale, pour en savoir plus, livre de Benoît Grison chez Delachaux et Niesley. Gilles Boeuf, une bibliographie impressionnante. Quels sont les derniers livres auxquels on peut faire référence, Gilles? Moi, c'est plutôt pour l'instant des articles dans des ouvrages. On va faire un joli livre qui s'appelle Sorbonavirus, sur la perception de la crise du coronavirus. Et on a fait un très joli ouvrage pour fêter le centenaire d'Edgar Morin, qui va sortir la semaine prochaine, et qui s'appelle, en fait, on reprend son livre de 93, Terre-Patrie 2050, Vivre avec Edgar Morin. Eh ben, on va vous mettre tous ces liens sur notre fil Twitter. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, à tous les deux d'être venus discuter de ce sujet passionnant. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Néguet, Saint-Vulfran, Natacha Atrio, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Laurie Vachon à la technique. Demain, nous allons faire de l'archéologie, oui, mais dans l'univers et jusqu'aux confins du cosmos. Archéologie cosmologique au programme donc, et avant notre fin de saison en forme de feu d'artifice, puisque c'est la dernière semaine en direct de la méthode scientifique de cette saison 2020-2021. Feu d'artifice de science-fiction, puisque trois émissions de SF d'ici la fin de la semaine. Mercredi, en ce mois des fiertés, nous parlerons de la SF queer avec Sabrina Calvo notamment. Jeudi, notre grand entretien de fin d'année, l'auteur de la trilogie martienne Kim Stanley Robinson sera notre invité. Et vendredi, émission spéciale double format de la SF dans la valise qui se prolongera une heure de plus sur internet après la fin de l'émotion pour être sûr de partir avec de la SF plein la valise. Allez, bonne fin de journée, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.